Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en mentionnant qu'une bonne nouvelle pour commencer, il y aura une saison dans la Ligue nord-américaine de hockey l'an prochain. En effet, Trois-Rivières fera partie de la Ligue nord-américaine de hockey. La Ligue comptera 6 formations avec les Marquis, Sorel, Trois-Rivières, Thetford Mines, Saint-Jean-de-Beauce et Rivière-du-Loup. Mais certaines rumeurs mentionnent qu'on pourrait se rendre à 10 formations. En effet, selon certaines rumeurs, Granby pourrait joindre les rangs. Laval également, qui était là l'an dernier, dont l'équipe a été dissoute, pourrait, semble-t-il, selon certaines rumeurs, rester dans la Ligue. Saint-Jean également serait intéressé, même qu'une formation aux États-Unis. D'ailleurs, j'invite à écouter Gilles Péloquin, qui est pas mal la référence dans la Ligue nord-américaine de hockey, nous parler du portrait qui se dessine actuellement dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, c'est dans la section entrevue de danradiosport.com. Hier, c'était la première tranche du Grand Prix cycliste à Ville-Saguenay hier. Et Guillaume Boivin, qui est un coureur de la région, a terminé au deuxième rang lors de la première étape de 166 km. En fait, il a été coiffé au fil d'arrivée par l'Américain Steve Fisher. Donc, Boivin qui a terminé en deuxième place. Notons également parmi les autres coureurs de la région que Léandre Bouchard, qui se spécialise en vélo de montagne, a terminé au 28e rang. Et Elliot Doyle, qui lui a terminé au 61e rang. Maintenant, on va parler de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. Robertval United a défait le Boreal 2 par la marque de 3-2 dans le féminin U14. Également, Robertval a gagné 4-1 sur le FC de Saint-Félicien. Maintenant, au deck hockey, également, parlons que les Mighty Ducks ont défait les Pêcheurs 4-0. Également, le Captain Bob a remporté un gain de 9-3 sur le DAF. Les Beavers 6, le Wings 1. Et les Heat for Beer 5 et les Mix Pack 0. Maintenant, notez que dans la ligue de Ballande de Robertval, le Saint-Hubert a défait l'Intersport 11-1. Garmin Impression 6, pièce d'auto Roussel 0. Et il y avait le gala méritas du club de judo, ça s'est déroulé récemment, du club de judo Albatros, ça s'est déroulé à Saint-Jean-d'Arc récemment. Donc l'athlète par excellence de l'année, c'est Simon Paquette de Dolbeau-Missassini. Le plus grand nombre de hippons, Simon Paquette également. Au niveau de la persévérance, l'honneur est allé à Catherine Gauthier. Le meilleur judoka U10, c'est Malik Godreau. Le meilleur judoka au niveau U12, Fekik Terrien. Au niveau U14, Charles-Étienne Bouillane. Et au niveau U16, Simon Paquette. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Benoît Lavoie. On a fait le tour de l'actualité dans le monde du soccer. Également, je me suis entretenu avec Gilles Péloquin, qui sera notre nouveau collaborateur cette année. Gilles Péloquin qui va nous parler de la Ligue nord-américaine de hockey. Et qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nord-américaine de hockey? On sait qu'hier, une bonne nouvelle pour les amateurs. Il y aura une saison 2017-2018. Le sport local et régional? À danradiosport.com, on s'en occupe.